32. Le tirse. À Franz Liszt. Qu'est-ce qu'un tirse? Selon le sens moral et poétique, c'est un emblème sacerdotal dans la main des prêtres et des prêtresses, célébrant la divinité dont ils sont les interprètes et les serviteurs. Mais, physiquement, ce n'est qu'un bâton, un pur bâton, perche à houblon, tuteur de vigne, sec, dur et droit. Autour de ce bâton, dans des méandres capricieux, se jouent et folâtrent des tiges et des fleurs. Celles-ci, sinueuses et fuyardes, celles-là, penchées comme des cloches ou des coupes renversées. Et une gloire étonnante jaillit de cette complexité de lignes et de couleurs, tendres ou éclatantes. Ne dirait-on pas que la ligne courbe et la spirale font leur cours à la ligne droite et dansent autour dans une muette adoration? Ne dirait-on pas que toutes ces corolles délicates, tous ces calices, explosions de senteurs et de couleurs, exécutent un mystique fandango autour du bâton hiératique? Et quel est cependant le mortel imprudent qui osera décider si les fleurs et les pampres ont été faits pour le bâton, ou si le bâton n'est que le prétexte pour montrer la beauté des pampres et des fleurs? Le tirse est la représentation de votre étonnante dualité, maître puissant et vénéré. Cher Bacchan de la beauté mystérieuse et passionnée, jamais nymphe, exaspérée par l'invincible Bacchus, ne secoua son tirse sur les têtes de ses compagnons affolés avec autant d'énergie et de caprice que vous agitez votre génie sur le cœur de vos frères. Le bâton, c'est votre volonté, droite, ferme et inébranlable. Les fleurs, c'est la promenade de votre fantaisie autour de votre volonté. C'est l'élément féminin, exécutant autour du mal ses prestigieuses pirouettes. Ligne droite et ligne arabesque, intention et expression, roideur de la volonté, sinuosité du verbe, unité du but, variété des moyens, amalgame tout-puissant et indivisible du génie, quel analyste aura le détestable courage de vous diviser et de vous séparer? Cher Liszt, à travers les brumes, par-delà les fleuves, par-dessus les villes, où les pianos chantent votre gloire, où l'imprimerie traduit votre sagesse, en quelque lieu que vous soyez, dans les splendeurs de la ville éternelle, ou dans les brumes des pays rêveurs que console Cambrinus, improvisant des chants de délectation, ou d'ineffables douleurs, ou confiant au papier vos méditations abstruses, chantre de la volupté et de l'angoisse éternelle, philosophe, poète et artiste, je vous salue en immortalité.